Bonjour Maïlys et à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous avec l'écho. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous retrouver au quatrième et dernier jour de notre série consacrée à Simenon dans la compagnie des auteurs. Une semaine que nous devons à Anne-Vanessa Prévost, Didier Pinault, Laurence Millet, Laurence Genepin, Laurane Travagli-Chanal et Élise Leu. Simenon est né à Liège, du mauvais côté entre guillemets de la Meuse, là où vivait le petit peuple dont il était issu. Sa vie durant, il n'a cessé d'élargir les cercles de sa vie, partant d'abord à Paris, puis découvrant la France et singulièrement La Rochelle, avant de faire le tour du monde. Il a traversé l'Afrique d'est en ouest, il a voyagé en Russie, où il a interviewé Trotsky, avant de s'installer aux États-Unis après la guerre, le temps de se rendre compte que la France lui manquait et d'y revenir, ce qui ne l'empêchera pas de finir ses jours en Suisse, où il vivra jusqu'en 1989. Il avait 86 ans. Mardi, Pierre Assouline était à ce micro pour évoquer quelques entrées de son autodictionnaire Simenon. Nous avons notamment parlé avec lui du grand roman autobiographique Pédigré, mais également du rapport de Simenon à André Gide, fait d'estime réciproque. Hier, enfin, Bernard Allavoine est revenu sur le personnage de Maigret, mais surtout sur la perception très sensorielle du monde qu'avait Simenon, dont le goût de la description picturale ferait de lui, pense-t-il, un écrivain impressionniste. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, en duplex avec la ville natale de Simenon, la ville de Liège, nous sommes aujourd'hui avec Benoît Denis, professeur de littérature et éditeur de l'écrivain dans la bibliothèque de la Pléiade. Bonjour Benoît Denis. Bonjour. Alors habituellement, on parle des œuvres complètes de tel ou tel écrivain dans la bibliothèque de la Pléiade, mais avec Simenon, c'est un peu plus difficile que ça, puisqu'il représente à lui tout seul une véritable bibliothèque. Je rappelle que c'est 40 ans d'écriture, 192 romans au moins. Il est difficile de savoir combien exactement de romans sous pseudonyme ont été publiés. Il y a également 12 recueils de nouvelles. Donc on imagine, Benoît Denis, la difficulté pour vous de faire des choix au moment où vous avez publié en Pléiade un certain nombre de ces romans. Comment vous y êtes-vous pris ? Ça a été effectivement la partie du travail finalement qui a été la plus longue et la plus compliquée, dans la mesure où il a fallu faire une sélection. Que cette sélection se devait d'être représentative de la totalité de l'œuvre et donc être étalée dans la chronologie. Et en même temps, évidemment, l'une des grandes difficultés qu'on a avec Simenon, c'est que pour les lecteurs qui ne le connaissent pas, il y a toujours cette difficulté de savoir par où on entre dans cette œuvre-là. Mmh. Et donc, notre objectif était en quelque sorte de choisir des romans qui étaient peut-être ceux qui donner immédiatement l'image la plus complète, la plus achevée de ce qu'était Simenon, et qui permettait aussi de rendre compte, ça je crois que c'était quelque chose auquel nous tenions, de l'évolution de son œuvre, parce que Simenon apparaît comme l'auteur d'une œuvre extrêmement homogène, qui est un peu d'une pièce. Or, quand on regarde les choses dans le détail, c'est une œuvre qui a quand même pas mal évolué à travers le temps. Il y a eu une vraie évolution dans son œuvre, et ça, c'était une chose que nous voulions évidemment mettre en évidence. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a aussi cherché, hein, et qui ne s'est pas d'emblée fixé sur un modèle qui n'a plus varié. Mmh. Donc c'est ça que nous avons essayé de mettre en évidence en prélevant là-dedans ce qui nous apparaissait comme les romans les meilleurs, les plus significatifs, tout en sachant qu'on laissait aussi de côté des romans que nous aimions beaucoup. Hein, je pense par exemple au Petit homme d'Archangelsk, qui est un roman que nous placions très haut avec Jacques Dubois, mais que nous n'avons pas retenu parce que c'était un peu difficile de le placer dans cette espèce d'échantillon représentatif. Voilà, Jacques Dubois, avec qui vous avez donc collaboré hein, pour la publication de ces Pléiades. Il y a eu d'abord deux volumes sous coffret d'une vingtaine de romans, c'était en 2003, c'est ça ? C'est ça, c'était à l'occasion du centenaire de sa naissance. Donc il y avait là une espèce d'occasion qui permettait de célébrer Simenon et de lui offrir cette consécration qu'il n'avait dans le fond pas eue de son vivant, qui était d'entrer là dans cette collection majeure, patrimoniale, où le meilleur de la littérature était représenté. Oui, et puis en 2009, mais peut-être aviez-vous déjà prévu de publier ce nouveau volume dès 2003, vous avez édité alors un volume dans lequel on trouve Pédigré et puis quelques autres romans, dont Les gens d'en face et Malenpin, c'est donc une couleur qui est une couleur différente pour ce troisième recueil. Alors, ce n'était pas prémédité, hein. Il se fait que les deux premiers volumes ont très bien marché, je crois. Et donc, nous avions renoncé à publier Pédigré dans la première sélection parce que ce roman était très long et nous empêchait finalement de publier trois ou quatre autres romans. Mais le succès des deux premiers volumes ont amené Gallimard et les directeurs de la collection de la Pléiade à proposer un troisième volume qui, cette fois, donnerait à lire Pédigré. Et nous avons conçu, dans le fond, le roman autour de la question du biographique chez Simenon. Donc, puisque Pédigré, c'est son grand roman autobiographique, nous avons essayé de chercher des textes qui étaient des textes de grande qualité, bien sûr, chez Simenon, mais qui tous posaient de manière différente le lien à la biographie, à l'autobiographie, qui est tout à fait fondamental dans cette œuvre. Est-ce que vous diriez que la publication en Pléiade, qui constitue tout de même une sorte de reconnaissance, a changé la perception à la fois du public et peut-être de l'université sur Simenon, Benoît Denis ? Alors, on l'a un peu cru et espéré, mais je pense très honnêtement que ça n'a pas eu un impact absolument décisif. Les gens qui étaient des convaincus le sont restés et n'ont pas tellement modifié leur point de vue par l'édition de la Pléiade. Je pense que des gens l'ont découvert, mais je ne pense pas que ça en a fait un auteur, disons, universitaire comme on l'entend. Étant directeur du centre de recherche de l'Université de Liège, on voit bien évidemment qui travaille sur Simenon. Et on s'aperçoit que, d'une certaine manière, Simenon est toujours étudié, ou souvent étudié, parmi d'autres. Mmh. Il y a peu, finalement, de travaux qui lui sont spécifiquement consacrés. Sans doute est-ce dû à une œuvre qui est quand même très très difficile à maîtriser hein, dans sa masse et qui continue à avoir quand même ce marquage populaire qui restera toujours pour Simenon une sorte d'écueil hein, devant lequel la consécration se heurte hein, pour lui. Mais dans le monde francophone, est-ce qu'il y a des pays qui s'intéressent davantage à Simenon ? Est-ce que c'est davantage la Belgique ? Est-ce que c'est davantage la France ? Oh, je dirais que la Belgique s'y intéresse évidemment par la force des choses. C'est dans le fond un des plus grands écrivains belges qu'on ait connu. Il est le contemporain, disons, d'Hergé et d'Henri Michaux. Voilà, pour dire un peu les trois auteurs belges majeurs de cette période-là. Et donc forcément, c'est un écrivain qui est très, très étudié, très apprécié en Belgique. Mais je pense que sa réception, ou en tout cas l'intérêt qu'il suscite, est à peu près égal en France. Il y a aussi, évidemment, en Suisse, puisqu'il y a vécu beaucoup, quelques personnes qui s'intéressent à lui. Je dirais que ce qui est assez frappant, par exemple, aujourd'hui, c'est que peut-être un des pays qui est le plus intéressé par Simenon, c'est l'Italie. Mm-hmm. Hein, très, très curieusement, c'est un des pays où, comment dire, sa lecture est la plus vivante et la plus active. Et il y a une raison pour cela ? J'en discutais avec les personnes qui s'occupent de la diffusion de son œuvre en Italie. Ils n'ont pas de réponse spécifique à la chose. Simplement, peut-être, cette espèce de partage entre littérature lettrée et littérature de grande diffusion, littérature populaire, qui est tellement actif en France, si je puis dire, y est peut-être moins fort en Italie. Et donc, est peut-être moins un obstacle à une une lecture un peu libre et franche de Simenon. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est que en France, la littérature française et l'université a eu du mal à l'accueillir, et c'est sans doute dû à son parcours. Je vous propose de revenir justement sur les débuts de Simenon, qui ont un peu assigné cet écrivain à un genre considéré comme mineur, à cause précisément de la façon dont il écrivait ses livres, et surtout au début de sa carrière. Je propose donc de l'écouter parler de son apprentissage littéraire. J'avais déjà commencé à écrire des contes pour les journaux, entre autres pour Le Matin, pour Le Journal, pour différents journaux, puis pour Le Rire, pour Le Sourire, ce qu'on appelait à ce moment-là des contes galants, délicieux euphémismes. Il y avait des journaux qui s'appelaient Froufrou, La Vie en Rose, La Vie Parisienne, enfin tout cela. Et je me suis rendu compte que pour vraiment apprendre mon métier de cette façon-là, il fallait être à Paris. Alors, j'ai acheté tous les petits romans populaires qu'il y avait dans les kiosques et j'ai téléphoné aux éditeurs pour demander combien ils payaient pour ces romans. Ils m'ont dit le prix, je me suis dit, mais si j'arrive à écrire un de ces romans en 3 jours, ça rapporte vraiment bien. Et j'ai essayé, et ça a réussi. Je ne le faisais pas uniquement pour gagner ma vie, mais parce que mon idée était que vraiment, elle est restée la même d'ailleurs, que pour être romancier, il faut d'abord apprendre la fabrication d'un roman. Je dis fabrication exprès. Il y a une partie artisanale dans un roman. Personne n'aurait l'idée de se mettre à écrire une symphonie sans avoir commencé par étudier la musique. Or, parce que tout le monde écrit des lettres ou n'importe quoi et parle le français, on imagine qu'on peut bâtir un roman. Mais il y a une question de construction. Alors je me suis dit, pendant 3-4 ans, je vais bâtir des romans. Complètement idiot, d'accord, fait sur mesure, d'accord, des romans pour petits garçons, des romans pour petites filles, pour un peu plus grands garçons, pour un peu plus grandes petites filles, des romans pour concierges, des romans pour vieux messieurs, car j'ai fait tout cela, mais j'ai fait ça pendant des années pour apprendre mon métier. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, Benoît Denis, évidemment, le côté littérature industrielle, livre écrit sous 3 jours, ça lui a collé à la peau toute sa vie. Alors, en effet, ça a été vraiment la grande difficulté qu'il a eu à affronter, d'autant que lui-même a beaucoup joué de cette carte-là. C'est quelqu'un qui a beaucoup exhibé, son travail comme une performance. Oui. La quantité, etc. On se souvient aussi de cette anecdote des années 20 où Simenon s'était engagé par contrat avec Eugène Merle à écrire un roman en une semaine dans une galerie commerçante, dans une cage de verre. Mais alors, ça n'a jamais été suivi d'effet, si ? Non, ça n'a pas été suivi d'effet, mais ça a fait suffisamment, disons, de scandale pour établir assez solidement la réputation de l'auteur. Mais dans l'extrait qu'on a entendu, ce qui est intéressant, je trouve, chez Simenon, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours revendiqué une conception artisanale de la littérature, c'est-à-dire le métier qu'on apprend, qu'on peaufine. Et il y a là une véritable éthique du travail chez lui, mais qui se concilie différemment, très difficilement, si je puis dire, avec une vision de la littérature qui repose sur le don, le talent inné, le génie. Dans le fond, la littérature, dans notre système culturel, c'est le seul des arts qui ne s'apprend pas. La musique, la peinture, on peut aller dans des académies, des conservatoires pour apprendre. La littérature, il n'y a pas de lieu d'apprentissage de cela. Et donc, c'est généralement le talent, le don, le génie qui sont mis en avant. Or, Simenon, lui, exhibe au contraire l'idée d'une forme d'apprentissage progressif. Et c'est vrai que c'est assez contradictoire, si je puis dire, avec la vision dominante de la littérature. D'autant qu'il le redit dans l'extrait que vous avez cité ici, la dimension financière ou économique de son activité, il ne l'a jamais perdue de vue. C'était un gagne-pain, c'était un moyen pour lui de bien vivre. Et il n'a jamais voulu renoncer à cette dimension-là, y compris lorsque il s'est attaqué à des formes plus élevées ou plus distinguées de littérature. Et donc, il y a eu chez Simenon une sorte de refus de choisir entre ces deux versants de la littérature, si on veut, la littérature commerciale et la littérature, disons, plus distinguée ou plus lettrée. Et ce refus de choisir, d'une certaine manière, l'a amené à ne pas pouvoir se ranger dans les catégories établies et à finalement concevoir son œuvre comme une espèce d'isolat au sein des lettres qui n'avait plus tellement ou de rapport, si je puis dire, ou qui ne s'inscrivait plus dans les grands codes ou dans les grandes catégories à partir desquelles on est habitué à appréhender la littérature. Alors, vous disiez tout à l'heure que, contrairement à ce qu'on dit, il y a une évolution importante dans la littérature de Simenon. Vous commencez par dire que son œuvre a comme socle trois romans que d'ailleurs vous avez choisi de faire figurer dans la Pléiade. Ces trois romans, c'est Les fiançailles de Monsieur Hire, La maison du canal, Le coup de lune. Et d'une certaine manière, avec ces œuvres-là, on a presque tout Simenon. Est-ce que vous diriez que c'est la base, ces trois romans-là, et que quand même, même s'il y a une évolution au fur et à mesure de sa vie, on a déjà posé les grands axes de sa littérature? Oui, absolument. Ce qu'il faut rappeler, évidemment, c'est que ces trois romans-là paraissent chez Fayard après qu'ait été publiée la première série des Maigret. Qui ont apporté à Simenon une grande célébrité, une grande notoriété, un vrai succès commercial aussi. Et plutôt que de continuer dans cette veine qui marchait extrêmement bien et que son éditeur, Fayard, voulait le voir poursuivre, il décide d'arrêter et de passer à ce qu'il appelle des romans tout courts, qu'il appellera par la suite des romans durs, donc des romans non policiers. Et il le fait par trois romans, ou quatre romans, parce qu'on pourrait y ajouter Les gens d'en face, qui sont vraiment des romans d'une qualité, à mon sens, exceptionnelle, qui d'emblée posent son univers. Et ce qui est aussi frappant, évidemment, c'est que ces romans-là, je dirais, à ce moment-là, situent extraordinairement Simenon dans la littérature de son temps. Mmh. C'est un moment où, là, il se montre extraordinairement en phase avec ce qui est en train de se passer dans la littérature romanesque. Pour le dire vite, le point de départ, c'est une certaine littérature populiste, qui est extrêmement répandu à l'époque en France dans l'entre-deux-guerres. Et d'emblée, si on veut, il se détache de ce fond populiste, qui reste évidemment là en arrière-plan, mais il s'en détache pour aller vers quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre, si on veut, ben il pointe déjà vers ce que Sartre, Camus, me semble-t-il, ou même Nathalie Sarraute essaieront de faire. Donc, d'une certaine façon, c'est une littérature dans le courant populiste, mais qui est aussi dans le voisinage de l'existentialisme. De l'existentialisme et de ces formes d'écriture phénoménologique qui sont en train de s'inventer à ce moment-là. J'entends par là, et vous avez parlé précédemment avec Bernard Allavoine de l'écriture du sensible, Simenon a cette formule que Bernard Allavoine a peut-être citée en disant « Ce que je cherche dans le fond, c'est inventer une écriture de la présence. » Et cette écriture de la présence qui donne toute sa place, donc en effet, aux sensations, à la concrétude des choses, du réel, c'est dans le fond ce que tous les romanciers qui s'inspireront de la phénoménologie chercheront à atteindre. Et ça passe notamment chez Simenon par la rupture avec toute une série de codes qui sont ceux de la littérature bien écrite. Le fait de faire du style, de jouer des métaphores, d'expliquer aussi. Simenon est un romancier qui explique très peu, qui donne à voir, à sentir, à entendre, mais qui ne donne pas les explications. Et tout ça, me semble-t-il, fait signe vers ce type de littérature-là. Y compris même dans un sentiment qu'on retrouve dans les trois romans que vous avez cités, qui est le sentiment à un moment de déréalisation. C'est-à-dire qu'à un certain moment, chez Simenon, la confrontation au réel dans ce qu'il a de plus dur amène une sorte de vision hallucinée de celui-ci, comme on peut le voir dans la nausée de Sartre à certains moments, comme on peut le voir dans la scène du meurtre de l'Arabe dans L'étranger de Camus, comme on le sent aussi chez Nathalie Sarraute dans ses premiers romans, avec d'une certaine manière l'évocation de tout ce qui est l'infraconscient, c'est-à-dire pas tout à fait ni l'inconscient ni la conscience claire, mais ce qui est en bordure de ce qui peut encore se formuler. Chez Simenon, c'est quelque chose évidemment qui est très présent. Simplement, ce qui le différencie de tous ces grands écrivains-là, qui ont vraiment inscrit leur place dans l'histoire de la littérature, c'est qu'il n'y a pas chez lui de réflexion formalisée autour de ce travail. C'est-à-dire que, d'une part, les romans ne sont pas le support d'une idée à transmettre. C'était quelque chose qu'il détestait, cette littérature intellectualisante. Et il n'y a pas non plus dans son écriture quelque chose qui établirait explicitement une espèce de rapport critique au modèle antérieur pour situer ce qu'il fait dans une histoire avec des enjeux, des renouvellements. C'est une écriture qui reste essentiellement instinctive, mais qui, à ce moment-là de l'histoire de la littérature, paraît extraordinairement en phase avec ce qui est en train de se préparer. Bon, il y a quand même un certain nombre de principes qu'il n'a pas vraiment théorisés, mais il y a ces expressions de pâte humaine, de mots-matière, qui est un début de théorisation par Simenon lui-même de son travail, Benoît Denis. Bien sûr, une théorisation qui est souvent, qui est d'abord très parcimonieuse. Hein, il n'y a que quelques interviews dans lesquelles il s'est un petit peu exprimé là-dessus, qui est souvent une théorisation dans laquelle il entame les choses sans vouloir aller jusqu'au bout, en disant dans le fond, et c'est un peu sa correspondance avec Gide, je me méfie de l'intelligence, hein, qui est une manière de dire chez lui que connaître trop bien les mécanismes de sa création le stériliserait. Mais en effet, il y a à certains moments un petit regard réflexif chez lui. Et une des choses qui me semble importante à souligner aussi, c'est que dans le fond, le Simenon des années 30, qui est un écrivain qui progresse et qui avance très vite dans le monde des lettres, hein, il passe en quelques années de Fayard à Gallimard, du roman policier à des romans sérieux, ou des romans durs, ce Simenon-là a dans le fond un modèle de réussite littéraire qui est très particulier, qui peut nous sembler étonnant aujourd'hui, mais c'est celui des grands romans chroniques à la Duhamel, à la Roger Martin Dugard, à la Jules Romain. Mm-hmm. Dans le fond, c'était ça son idéal. Simenon pensait qu'il deviendrait un romancier accompli lorsqu'il serait capable d'écrire de grandes fresques romanesques portant une multitude de personnages et s'étalant sur une durée très longue. Et Céline, quelqu'un comme Céline, est-ce qu'il l'a lu et est-ce qu'il peut y avoir, selon vous, une influence de ce grand écrivain quand même de l'époque, écrivain lui aussi, qu'on peut classer peut-être parmi les populistes, s'est-il exprimé là-dessus ? Alors, la seule mention de Céline dont je me souviens très clairement, c'est dans sa correspondance à Gide. On se situe peu après la Libération, et Simenon dit « Quand je lis le sursis de Sartre », je vous cite de mémoire, hein, donc c'est un peu approximatif, mais « Quand je lis le sursis de Sartre, j'ai l'impression de lire du Céline et du Simenon écrits par un normalien qui fait des clins d'œil à d'autres normaliens par-dessus les soucoupes du café de Flore ». Je crois que ça situe à peu près les choses, si vous voulez. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il y a eu une influence réciproque très forte entre Céline et Simenon. Mais par contre, je crois qu'il y a eu la conscience chez Simenon que Céline et lui se trouvaient sans doute dans les mêmes parages de la littérature. Parages de la littérature qui ont, dans le fond, été occupés à la libération par d'autres. Hein, c'est un peu ça qu'il dit. Et en donnant une direction différente. J'ajoute évidemment que chez Céline, évidemment, le décrochage du populisme est aussi encore plus manifeste que chez Simenon. Hein. Donc c'est bien en effet le fond sur lequel ils se détachent l'un et l'autre, avec d'ailleurs des origines sociales extraordinairement identiques. Hein. Dans les deux cas, un père petit employé d'assurance, une mère qui a travaillé dans le commerce. C'est très frappant de constater à quel point ces deux écrivains ont des origines sociales qui se ressemblent. Hein. Ça, c'est très clair. Alors, vous avez parlé du côté artisanal de Simenon, Benoît Denis. En voilà un exemple de technique artisanale dans la voix de Simenon lui-même. Lorsque j'ai commencé à écrire les romans, j'ai essayé de donner en même temps, dans le même chapitre, ou dans le même livre, ou quelquefois dans la même page, du présent, du passé et du futur. C'est-à-dire à donner cette sensation de vie permanente. Et à faire sentir le personnage sur plusieurs plans. C'est à la ça, fois. Sur plusieurs plans. Et ce qui arrivera même, ça alors c'est ce qui trouble le plus mes traducteurs anglais, parce que c'est très difficile à rendre en anglais, c'est qu'il m'arrive dans une phrase d'employer le présent et l'imparfait, par exemple. Dans la même phrase, je sais que c'est parfaitement incorrect, je reçois des lettres de grammairien me soulignant mon incorrection, mais c'est voulu. Et c'est une chose, ça, qui avait très fort impressionné Gide, et qui disait que c'était probablement ce qu'il y avait de meilleur et l'apport le plus original qu'il y avait dans mon style. C'était d'avoir obtenu ce mélange des trois temps. Mais cela également, au début je le faisais consciemment, maintenant c'est devenu parfaitement inconscient. De même que quand vous employez un adverbe, vous ne vous dites pas, tiens, je vais mettre un adverbe. Et si vous mettez un adverbe, ou bien lorsque vous conjuguez, vous ne savez plus que vous conjuguez, on a appris ça au collège, mais bien, pour l'instant, je mets les trois temps quand j'ai la sensation, mais sans savoir, enfin, que j'en use. Compagnie des auteurs sur France Culture. Alors Benoît Denis, sur la question de la fabrique du roman, vous expliquez que l'écriture d'un livre de Simenon passe systématiquement par quatre étapes. La première étape, un peu comme un boxeur, c'est celle de la mise en condition. Racontez-nous ça. Oui, c'est-à-dire que donc Simenon entre, dit-il, en roman. C'est-à-dire qu'il sent à un certain moment dans sa vie quotidienne que le temps est venu d'écrire un nouveau roman. Et il commence à ce moment-là à ruminer ce que va être ce roman, essentiellement en se promenant beaucoup, en faisant de longues balades, en se fermant assez fortement aux autres. Il semblerait que son humeur à ce moment-là devienne assez difficile, qu'il soit relativement inaccessible. Et donc pendant 2-3 jours comme cela, il rumine ce que va être son roman, il s'imprègne du personnage, de l'ambiance. Jusqu'au moment où, se sentant prêt, il entre dans son bureau et commence alors la deuxième étape qui consiste à noter sur une enveloppe jaune, parce que c'est un rituel qu'il a établi très tôt, semble-t-il. Il note des noms de personnages. Quand le roman s'étale sur une durée assez longue, il note les âges des personnages aux différents moments de son roman. Et il a une sorte comme ça de guide qui va lui permettre ensuite d'écrire. Donc il a l'idée du roman et de sa fin, à ce moment-là, il a déjà un plan en tête. Alors vraisemblablement, il a un plan en tête, il a une histoire qui est plus ou moins dessinée. On sait aussi par certains dossiers préparatoires qui sont relativement rares que certaines idées de roman lui sont venues bien antérieurement à cette mise en condition. Mais je crois que ce qu'il a surtout, c'est, comment dire, il est habité par ce personnage. Alors, les détails exacts par lesquels il va passer, etc., ne lui apparaissent peut-être pas encore clairement, mais il est en possession d'un personnage. Et donc, quand il passe à la phase d'écriture, il décrit cette phase comme une phase où il se met quasiment en transe, c'est-à-dire où il est dans une espèce d'état psychique l'arrache à la vie ordinaire. Et qui l'amène à écrire comme ça, 3-4 heures chaque matin, un chapitre à peu près. Et donc il compose un roman en une semaine, 10 jours maximum, d'une seule traite, je dirais presque sans reprendre son souffle, comme une espèce de marathonien ferait une course comme ça. Et c'est véritablement chez Simenon le moment où, comment dire, la boîte est noire. C'est-à-dire, je crois que ses proches ne l'ont pratiquement jamais vu écrire. Il s'enferme dans son bureau, il est là seul. Il dit que ça le met dans un état de fatigue extrême une fois qu'il a terminé, qu'il transpire abondamment, qu'à certains moments il a même des crises de larmes parfois. Donc c'est un état presque seconde écriture, qui fait que le roman est produit d'un seul jet, si vous voulez, d'un seul jet. Il est entièrement dedans, et une fois que le roman est terminé, d'une certaine manière, il ne peut plus que le retoucher très très superficiellement, mais il est incapable de rentrer à nouveau dans ce roman, d'en modifier l'histoire, de corriger des chapitres profondément, de le remanier. Le roman est là. Il est sorti de lui et d'une certaine manière, il n'y a plus à y toucher profondément. Mais la manière dont vous en parlez, pardon, de Benoît Denis, fait penser à une expérience cathartique, psychanalytique. Est-ce que les psychanalystes se sont intéressés précisément à ce que Simenon a raconté, de la façon dont il se plongeait en lui-même, dont il devenait aussi le passeur de ce personnage qui écrivait à travers lui une fois qu'il avait réussi à conceptualiser ce dit personnage? Ah oui, bien sûr, ça a été le... Simenon a été une sorte de pain béni pour les psychanalystes, qui se sont toujours extraordinairement intéressés à lui. Intéressés à lui à la fois par son rituel d'écriture, que je viens de sommairement décrire, mais aussi à travers ses dictées, donc ses textes de la fin de sa vie qu'il dicte sur un magnétophone et où il converse un petit peu librement et où là il dit en effet beaucoup de choses sur son propre fonctionnement psychique. Et donc Simenon, oui, a beaucoup intéressé les psychanalystes. Ils y ont vu en effet un travail, si je puis dire, de projection dans lequel... d'une certaine manière, tout un fond de hantise, d'obsession, d'angoisse se trouvait en quelque sorte réactivé, rematérialisé. J'ai un beau petit exemple pour expliquer ce type de fonctionnement psychique chez Simenon, c'est que dans des textes un peu tardifs, autobiographiques, Simenon raconte que un épisode de la fin de son adolescence qui lui a fait beaucoup honte est celui d'une montre en or, chronomètre, que son père lui a donnée au moment où ce père comprend qu'il est condamné par la maladie cardiaque qui allait l'emporter quelques années plus tard. Il lui a donné sa plus belle montre, ce qui est une manière évidemment pour le père de Simenon de lui transmettre le flambeau, de lui dire « bientôt je ne serai plus là et c'est toi qui vas devoir reprendre la charge de la famille ». Et Simenon, muni de cette montre en or, se promène dans les rues de Liège, et en particulier dans les rues un peu malfamées, où se trouvent les lieux de prostitution. Il voit dans une vitrine une magnifique prostituée noire. Il ne peut pas résister, il n'a pas d'argent. Et il échange sa montre en or, donnée par son père, contre une passe. Mmh. Et il en concevra toute sa vie une espèce d'obsession, ou de hantise, de culpabilité, si je puis dire. Et on retrouve... tout au long de son œuvre, ce motif de la montre en or, qui apparaît, mais parfois de façon extrêmement ténue. Hein, dans Le coup de lune, le personnage principal, à un moment, a une relation avec une Africaine dans la forêt, et il lui donne le bracelet en or de la montre Gousset que lui a donné son oncle. Mmh. Et on voit comme ça, ce motif réapparaître périodiquement, et toujours lié à une espèce de culpabilité ou de trahison à l'égard d'une figure paternelle. Oui, la culpabilité qui est en effet un des ressorts récurrents chez Simenon. Benoît Denis, vous restez avec nous, vous êtes en duplex de Liège, je le rappelle. On va continuer cette conversation sur Georges Simenon, mais au mi-temps de cette émission, je vous propose d'écouter un autre point de vue sur lui grâce à la chronique du jeudi. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et oui, car chaque jeudi, vous le savez, nous invitons un grand lecteur à venir nous parler, comme il le souhaite, de l'auteur dont il est question toute la semaine. Et aujourd'hui, c'est vous, Marc Poret, professeur de littérature anglaise à l'Université Paris 3 et à l'ENS, qui venez nous rendre visite. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, on parlait tout à l'heure avec Benoît Denis de la réception de Simenon dans le monde francophone. Et vous voulez évoquer sa place dans le monde anglophone. Il a été traduit rapidement, je crois, dès les années 30. Dès les années 30, il a été traduit un peu au compte-gouttes, mais enfin, entre 1933 et 1941, 19 Maigret était déjà traduit, pas dans l'ordre chronologique, mais je dirais que tout de suite, d'emblée, il y a eu de l'intérêt pour Simenon. Ça paraît paradoxal ou en même temps ça paraît tout à fait logique dans un pays qui se flatte, l'Angleterre, de sa culture, disons, détective, de la littérature détective. Et voici que se présente donc un autre détective à pipe. Oui, mais pas du tout Sherlock Holmes. Mais pas du tout Sherlock Holmes, effectivement. Mais disons que pour rebondir avec la conversation que vous aviez à l'instant avec Benoît Denis, ce qui est très intéressant par rapport à ce fond de littérature populiste, c'est que d'emblée, ce sont de grands lettrés qui ont compris qu'avec Simenon, on avait affaire à un grand écrivain. C'est-à-dire que ce sont les T.S. Eliot, ce sont les Somerset Maugham, ce sont les Ford Madox Ford. Et je prends l'exemple de Ford Madox Ford parce qu'on lui doit une belle formule. Ford Madox Ford, je le précise, écrivain moderniste, donc du coup à la pointe de la recherche littéraire et qui identifie très vite chez Simenon. Voilà ce qu'il en dit. Simenon, c'est Dostoïevski. Mm-hmm. du dos, hein, la familiarité anglaise, corsé en français dans le texte, construit, concentré et emprunt de la poésie de la pitié. Et la poésie de la pitié, là aussi, c'est une autre référence à un poète de la Grande Guerre de 14-18, Wilfred Owen, hein, the pity. Et donc, du coup, c'est cette dimension-là qui frappe d'emblée les Anglais. Et vous le voyez, Dostoïevski, chez Maigret? Pas véritablement, mais je vois quelque chose qui peut le rapprocher de... comment dirais-je, de la méfiance des Anglais par rapport à l'intelligence. J'ai beaucoup noté tout à l'heure, hein, la citation « Je me méfie de l'intelligence ». Les Anglais aussi se méfient de l'intelligence. De même que les Anglais sont très sensibles à l'écriture du sensible, justement. Hein, et c'est cette épaisseur de l'humanité, cette absence de théorisation qui font que, oui... spontanément, je veux dire, il y a de la réception de Simenon, hein, dans l'âme anglaise. Dans l'âme anglaise, dans l'âme américaine aussi peut-être, puisqu'il a vécu aux États-Unis, et on imagine que pour lui c'était important d'être traduit évidemment et puis diffusé largement en oui, Amérique. Oui, l'Amérique où il a séjourné évidemment, où il a composé une part importante de son œuvre et... aux États-Unis, je dirais que c'est la veine Raymond Chandler, hein, qui fait que spontanément il y a des connexions qui s'établissent. Et je reprendrai volontiers à mon compte cette déclaration qu'on trouvait pas plus tard que le 20 février 2015, la une du New York Times à propos de Maigret. On y lit ceci: Maigret rarely solves crimes, instead he solves people. C'est-à-dire, Maigret résout rarement les crimes, il résout les gens. Mm-hmm. Voilà, c'est ça qui plaît, je crois, dans l'univers anglo-saxon en général. Alors, à tel point qu'on l'adapte en Angleterre, on en a déjà un petit peu parlé mardi avec Pierre Assouline, mais la télévision anglaise a fait ressurgir tout d'un coup Maigret avec un acteur qu'on n'attendait pas forcément, Rowan Atkinson, alias Mr. Bean. Alias Mr. Bean. Et là, je dois dire que, quand on a appris cette nouvelle, il y avait quand même un peu de quoi frémir, parce qu'on se demandait si les mimiques invraisemblables, hein, de l'acteur de Mr. Bean, comment elles allaient être compatibles avec Maigret. Alors, on se plaît à rappeler que... Rowan Atkinson fumait la pipe avant de commencer à tourner. C'est un des seuls acteurs qui fume la pipe encore. C'est pour ça qu'il a été aussi, pour ça qu'il a été choisi. Mais disons que là aussi, cette dernière adaptation qui remonte à 2016-2017, elle s'inscrit dans une continuité. C'est-à-dire que dans les années 60, 52 épisodes, hein, de la série des Maigret ont été tournés à la télévision britannique. Et ce sont les plus grands acteurs anglais qui interprétaient Maigret, par exemple Rupert Davis ou bien encore Michael Gambon. Michael Gambon, pour le resituer, c'est un des grands acteurs du théâtre de Beckett. Donc on voit, hein, à quel point le Simenon est pris au sérieux par les Anglais, véritablement. Alors on termine cette chronique, Marc Poré, avec votre conseil culturel puisé dans l'actualité. Vous avez sélectionné pour nous le cahier de Lerne, John le Carré, qui paraît ce 28 mars. Absolument. Alors donc du coup, je n'ai pas la prétention d'établir un pont entre la littérature d'espionnage et la littérature policière. Mais enfin, j'ai quand même en mémoire ce mot de Jean-Claude Milner qui se plaît à dire que toute fiction est détective et que toute détection est fictive. Et donc quelque part dans cette littérature de genre que l'un et l'autre, Simenon et Le Carré, dépassent infiniment, il y a quand même des rapports, hein, et des rapprochements. Et disons que l'originalité de ce cahier de Lerne, je signale que Simenon avait eu le sien en 2013, hein, donc voilà, aucune jalousie. L'originalité de ce cahier, c'est peut-être de jeter un coup de projecteur sur la pluralité de Le Carré, qui est bien plus qu'un auteur de romans d'espionnage. On le découvre écrivain protéiforme, écrivain voyageur, écrivain citoyen du monde. On découvre qu'il est l'auteur de dessins humoristiques, de caricatures, et puis surtout, on le découvre écrivain engagé, s'exprimant de manière très forte à la faveur de textes journalistiques, de textes qui sont autant de terrains d'engagement, de cibles d'un vieil homme en colère. C'est ainsi qu'il apparaît, vieil homme en colère. Vieil homme en colère qui ne cesse de vitupérer et de fustiger, je dirais, le libéralisme et puis la politique de ses dirigeants. Et pour en savoir davantage, il faudra attendre quelques jours seulement jusqu'au 28 mars pour se procurer ce cahier de Lerne, John Le Carré. Merci beaucoup Marc Poré, à très bientôt. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Et pour entrer dans cette seconde et dernière partie d'une émission consacrée à Georges Simenon, un détour par une lecture de l'un de ses livres Rochelet, Le Voyageur de la Toussaint, lecture par Jean de Sailly. À peine était-il posté place de la Caille, près de l'Aventure de l'Horloger qui vendait aussi des bibles aux anciens, qu'il vit des jeunes filles sortir comme des écolières de la maison d'en face. Certaines en vélo s'envolaient par toutes les rues. D'autres s'éloignaient en groupe. Trois d'entre elles, dont une qui poussait sa machine, suivaient l'étroite rue du Temple où s'alignent des magasins d'alimentation. La jeune fille que Gilles avait vue la première en débarquant à La Rochelle était dans ce groupe. Il marcha derrière. Une blonde blafarde se retourna et donna un coup de coude à son amie. Elles se retournèrent toutes et éclatèrent de rire. Dès lors, ce jeu continua sans que Gilles fît demi-tour. Il les suivait, grave, obstiné. Et elle se retournait, elle se bousculait et riait de plus belle. Il ne savait plus où il était. Il reconnaissait vaguement la rue du Palais et les magasins Prise Unique. Puis on rentrait dans l'ombre pour retrouver des vitrines un peu plus loin. Place d'Armes, elles s'arrêtèrent et s'embrassèrent en riant toujours. La jeune fille du quai fut la seule à s'éloigner dans la direction du parc, où des lampes orangées répandaient une lumière théâtrale dans les allées. D'abord, elle marcha vite en se dandinant, puis elle ralentit un peu le pas, mais elle évita de se retourner. Est-ce qu'elle n'écoutait pas le bruit des pas de Gilles ? Ses pas se rapprochaient. Il fut à sa hauteur, juste à l'angle de la rue et d'une allée qui s'enfonçait dans le parc. Fit-elle vraiment deux pas dans cette allée ? Une voix disait tout près, « Pourquoi riez-vous de moi ?» Elle se retourna tout d'une pièce, sans étonnement. Un sourire sur son jeune visage aux traits pleins et les yeux grands ouverts, elle riposta. « Je ne ris pas de vous, je ris avec vous. » Un instant, ils furent comme suspendus dans le temps et dans l'espace. Ils ne se rendaient pas compte que des autos passaient à moins de 3 mètres d'eux. Plus loin dans l'allée, deux amoureux étaient assis sur un bon pain en verre. Ce fut vers cette allée tout naturellement, comme s'il s'eût été décidé depuis des temps immémoriaux, que la jeune fille se dirigea. Le moment de la rencontre entre les personnages de Gilles le Mauvoisin et d'Alice Lepard dans Le Voyageur de la Toussaint. C'est un livre dans lequel un jeune homme risque sa réputation par amour. Benoît Denis, c'est peut-être le moment justement de parler un petit peu d'amour et de sexualité dans les romans de Simenon. En l'occurrence, dans Le Voyageur de la Toussaint, il est plus question d'amour que de sexualité, je crois. Oui, c'est d'ailleurs, je dirais souvent, la caractéristique des romans de Simenon, c'est-à-dire que autant l'homme Simenon a pu mettre en évidence une sexualité qui était exubérante, si je puis dire, autant l'œuvre de Simenon met peu en scène la sexualité proprement dite. Hein. Il y a quelques scènes qui sont un peu plus explicites, mais je crois que Simenon est un grand romancier plutôt du désir. Hein. Ça, on le sent très bien dans cette scène, hein, cette façon dont le désir, l'érotisation des corps peut se mettre en place, être suggéré. Ça, c'est quelque chose qu'il fait à merveille. C'est aussi un romancier des grandes hantises sexuelles, et notamment la hantise de l'impuissance, hein, qu'on pense aux fiançailles de Monsieur Hire et à quelques autres romans. Donc en effet, c'est plutôt un romancier où c'est une sorte d'érotisation un peu vague, discrète, qui se met en place. Alors il y a quand même Le Train qui est là pour le coup un roman plus érotique qui raconte une passion, une réelle passion. En effet, alors là, ça, c'est un roman tout à fait exceptionnel auquel moi, je suis personnellement très attaché. Hein. C'est un très, très beau roman sur l'occupation aussi, d'ailleurs. Vous pouvez nous rappeler peut-être un petit peu l'intrigue de ce livre ? Ben, ça met en scène un personnage qui est un homme quelconque, assez disgracié physiquement, qui a une famille et qui est pris dans le nord de la France par l'invasion allemande et qui est donc pris dans l'exode. Il monte dans un train, il est séparé de sa femme et de son enfant. Il se retrouve dans un train qui le mène vers un camp de réfugiés où il rencontre une jeune femme juive d'origine tchèque avec qui il va vivre une passion amoureuse, mais qui est une passion de la plénitude physique aussi. Hein, mm-hmm. Où là, pour le coup, en effet, quelque chose comme un épanouissement sexuel complet se donne à voir. Et puis, cette période d'exode s'achève, il est rapatrié dans son village natal, il retrouve sa famille, il recommence sa vie normale sous l'occupation, jusqu'au jour où, rentrant chez lui le soir, une femme l'appelle et c'est cette jeune juive tchèque qui est désormais qui est passée du côté de la résistance, qui cherche à cacher un parachutiste anglais, qui demande au personnage de l'aider. Il refuse pour protéger sa famille, pour ne pas prendre de risques, et il découvre quelques jours plus tard une annonce des autorités allemandes annonçant que cette jeune femme et l'aviateur anglais ont été fusillés. Mmh. Voilà. Et tout ça est écrit sous la forme d'un journal intime que le personnage écrit à l'attention de son fils, ce qui rappelle évidemment très fortement l'écriture de « Je me souviens », prélude à Pédigré, pendant l'occupation. Donc c'est un roman extrêmement extrêmement intéressant. D'ailleurs, Pédigré comme Le Train sont des romans à forte teneur autobiographique. Je me souviens aussi, enfin je me souviens un petit peu l'ébauche de Pédigré, parce que avec Le Train, il est question d'une transposition finalement de ce qu'il a vécu Simenon quand il a accueilli à La Rochelle les réfugiés pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, et puis il y avait une passion aussi à ce moment-là pour lui. Oui, ça va même beaucoup plus loin, hein, puisque Simenon commence l'écriture de « Je me souviens » qui va devenir Pédigré, un roman autobiographique, et il a, au moment où il est à La Rochelle en train d'accueillir les réfugiés, l'idée d'un roman qu'il veut appeler « La gare » et qui raconterait l'exode des populations. Et quand il remanie « Je me souviens » pour en faire Pédigré, il envisage d'en faire ce fameux roman chronique qu'il espère écrire depuis toujours, hein, une vaste fresque romanesque, qui commencerait par la description de son enfance liégeoise et s'achèverait sur ses scènes d'exode, c'est-à-dire sur ce que le train, dans le fond, va raconter. Mmh. Et donc, ces deux romans-là sont très très fortement liés l'un à l'autre et en effet, réutilisent ce matériau autobiographique. Alors, quant à la grande passion ou la grande passion amoureuse, sinon on va la connaître quelques années plus tard, évidemment, en arrivant aux États-Unis et en rencontrant Denise Ouimet. Ça donnera « Trois chambres à Manhattan » ou « Lettre à mon juge ». Donc, il y a là un peu petit décalage temporel, mais en effet, c'est une période sans doute où son couple ou son mariage avec sa première épouse est sans doute bas de l'aile, est sans doute terminé, et où effectivement Simenon s'ouvre là, à ce moment-là, sans doute à de nouvelles possibilités amoureuses, sans doute. En tout cas, avec ce roman Le Train, on a l'impression que Simenon, comme il le fait assez rarement d'ailleurs dans ses livres, intègre l'histoire avec un grand H, alors qu'a priori, Simenon, c'est plutôt un romancier qu'on dirait dégagé de l'histoire majuscule. Benoît Denis, qu'en pensez-vous ? Mais c'est là qu'il faut faire attention à l'effet d'homogénéité et de bloc que donne l'œuvre de Simenon. Je dirais que ce Simenon désengagé ou sorti de l'histoire, c'est essentiellement le Simenon de l'après-guerre, celui qui commence à écrire, disons, dans les années 46-47, à partir des États-Unis, etc. Mais si on regarde le Simenon des années 30, c'est un romancier qui est tout de même formidablement en prise sur ce qui se passe dans son temps. Mmh. Les gens d'en face, ça décrit le totalitarisme communiste. Et Gide, lisant ce roman, lui dira, lui-même y étant allé, en URSS, on le sait évidemment, lui dira « je reconnais tout, hein, oui. C'est absolument ce que j'ai vu ». Sa description de la vie coloniale dans le coup de lune, c'est quand même tout à fait l'époque également. Donc, Si on regarde bien les romans des années 30 et encore quelques romans de l'entre-deux-guerres, de l'occupation, Simenon est un écrivain qui s'est attaché à dire son temps et l'histoire, je crois. La neige était sale, par exemple, parle de l'occupation, enfin d'une occupation qui ressemble à une occupation fasciste. Ah oui, ça c'est évidemment un roman très particulier puisqu'il est écrit dans le fond dans le contre-coup de l'annonce du décès de son frère Christian. En Indochine, hein, donc on connaît cet épisode, son frère Christian resté à Liège, avait adhéré au parti fascisant francophone qui s'appelait Rex. Il en avait été un responsable, il avait notamment participé à une tuerie importante en représailles dans la région de Charleroi. Et donc c'était quelqu'un qui a été condamné à mort par contumace en Belgique, qui est venu à Paris, qui a rencontré brièvement son frère, qui, semble-t-il, lui aurait conseillé, peut-être après avis de Gide, de s'engager dans la Légion étrangère, ce qu'il fit, et il mourra pendant la guerre d'Indochine à la Légion étrangère. Mmh. Et donc Simenon écrit ce roman-là, qui est un roman à la fois de la culpabilité, parce qu'il peut avoir l'impression que c'est lui-même qui a envoyé son frère là-bas, hein, à la mort, mais aussi un roman, comment dire, où c'est toute la question de l'occupation, bien sûr, et du rôle que son frère a pu jouer, qui est écrit. Et il le fait sous la forme, dans le fond, d'un extraordinaire roman noir, qui est digne des plus grands romans noirs américains, puisqu'il met en scène, non pas un collaborateur politique, mais un jeune homme qui est un petit truand, une petite frappe, qui se livre à toute une série de trafics avec les autorités d'occupation. Oui. Et qui est en fait à la recherche d'une figure paternelle. Et c'est un roman assez extraordinaire et qui est sans doute l'un des plus durs et des plus impitoyables que Simenon ait écrit, en mettant en scène en effet une situation d'occupation, mais une situation d'occupation pour laquelle Simenon a voulu brouiller les pistes. C'est-à-dire que tous les patronymes sont à consonance germanique et donc on a le sentiment que ce pays est occupé par des troupes étrangères, mais qu'il s'agit là d'un pays de type germanique, ce qui inverse évidemment la perception des choses. Et je veux rappeler aussi que Simenon, comme Belge, a en fait connu deux occupations, parce que la Belgique a été occupée par l'armée allemande durant toute la Première Guerre mondiale. Et dans le fond, Simenon connaissait toutes les conséquences effroyables de ces périodes-là avant même que l'occupation française ne commence. Hein, en Belgique, et Pédigré se termine là-dessus, il y avait des femmes tondues à la Libération en 18. Hein. Donc le rapport de Simenon avec l'histoire et la manière dont il intègre ça dans ses livres, c'est plus compliqué que ce qu'on en dit a priori. Est-ce que... En lisant du Simenon, on arrive à dégager une ligne de force idéologique, selon vous, Benoît Denis, malgré tout. Alors, bon, je dirais que le Simenon des années 30, hein, c'est un Simenon qui provient d'une petite bourgeoisie catholique et conservatrice, qui en a conservé évidemment toute une série de stigmates et de marques. Hein. C'est quelqu'un évidemment qui n'est pas de gauche, si je puis utiliser cette espèce d'euphémisme, qui, dans les années 30, est extrêmement inquiet de la montée des totalitarismes, qui observe quelque chose qui est absolument contemporain pour nous aujourd'hui, il faudrait relire ses reportages à ce niveau-là, qui est les grands flux migratoires. Mmh. C'est quelque chose qui lui paraît absolument phénoménal. Et quelle vision a-t-il justement, quel regard porte-t-il sur ce problème en particulier ? Ben, d'une sorte de course catastrophique, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais chez lui le sentiment d'un envahissement, etc. Il voit bien évidemment que c'est la misère, la crainte, la répression qui met toutes ces foules en marche, mais en même temps, cette espèce, ce qu'il appelle ce piétinement et ce grouillement, ne cesse de l'inquiéter. Hein. Mmh. Et donc, le romancier des années 30 est un romancier comme ça qui hésite sur... une espèce de ligne idéologique à suivre, mais qui partage avec une certaine démagogie populiste, disons la condamnation des élites, la crainte des totalitarismes, et en particulier du totalitarisme communiste, qui est doté d'un assez fort anti-américanisme aussi, hein, il faut le dire. Et je dirais que chez Simenon, la conversion idéologique se produit au moment de son arrivée aux États-Unis. Là, dans le fond, il découvre une société qui est absolument conforme à ses vœux, c'est-à-dire une société où ce qui prime, c'est l'individu, une société où il n'y a pas ou moins de hiérarchie sociale, ou en tout cas d'élitisme social. Ce n'est pas une société d'héritiers, de reproduction sociale. Chacun y trouve sa place. Et il a là le sentiment d'avoir enfin trouvé le monde qui lui conviendra, c'est-à-dire ce qui lui permet de se débarrasser de tout ce vieil habillage idéologique hérité dans le fond de son éducation familiale. Merci Benoît Denis, on va être obligé de s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir bien voulu venir en duplex nous parler aujourd'hui de Simenon. Simenon que vous avez édité dans la collection de la Pléiade chez Gallimard. Je rappelle que vous êtes le directeur du centre d'études Georges Simenon à l'université de Liège. Et pour ceux qui voudraient aller plus loin, je conseille notamment votre livre Georges Simenon, Les obsessions du voyageur dans la collection Voyager avec, coédité par Vuitton et la quinzaine littéraire. C'est la fin de notre semaine consacrée à Georges Simenon. Dès lundi, nous reviendrons sur la vie et l'œuvre de Tolstoï à l'occasion du Salon Livre Paris qui met la Russie à l'honneur. Mais tout de suite sur France Culture, c'est Jacques Bonnafé, la poésie. Bonjour, bonjour la compagnie. Auschwitz est mon manteau, dit Seja Stojka. Elle a trouvé les mots, les images pour dire les rescapés d'une race à détruire. Le 31 mars 43, malheur d'être né en Autriche. Elle est le numéro Z6399. Lorsqu'elle retourne à Vienne, elle apprend l'écriture, elle se met à dessiner, à peindre à l'âge de 55 ans, en autodidacte. Une exposition lui est consacrée à la Maison Rouge, montée par Antoine de Galbert. Le rêve d'une vie. J'avais un rêve sans fin de quelqu'un qui n'a promis qu'à moi sa fidélité toute une vie. Et dans mon rêve, il me racontait sa vérité, que toujours son cœur ne serait qu'à moi. Je voulais que mon rêve soit vrai, car dans la vie, il n'y a que mensonge. Quand je me suis réveillé, mes yeux étaient remplis de larmes. Et je ne vis plus que son ombre. J'avais un rêve sans fin de quelqu'un qui, dans mon rêve et dans la vie, a menti. Pour se remettre quelques mots d'amour de Vénus Corrigata, tiré d'un poème inédit, l'histoire d'un amour foudroyant qui est glissé dans ce livre à deux voix, Kaddish pour l'enfant à naître, écrit avec Caroline Boisdet. Mon ventre se fait pierre, tu t'invites, ta peau couleur d'écorce, ton regard planté dans le mien comme un serment, conclut entre nous avant que tu ne paraisses comme un pacte d'amour qui nous aurait précédés. Petite citation de Zénobianu au milieu du poème, tout geste est chargé de lumière, de cette lumière d'étreinte qui emplit la tête pendant la jouissance. Kaddish pour l'enfant à naître. L'enfant à naître que nous propose Caroline Boisdet dans la partie centrale du recueil s'adresse à l'enfant qu'elle portait au moment des attentats de novembre 2015. Vautours rôdant autour de la fosse, Kalachnikov dressé comme des phallus hideux avant un viol, tonnerre de balles et océan de sang. Mais croyez-vous sérieusement que je sois mort? Un corps troué, une jeunesse fauchée, la détresse de ma mère. Mais croyez-vous que je sois mort? Le poème est dédié à H, fauché au Bataclan. Des enfants soldats ont grandi sous nos fenêtres, nous les avons enfantés de guerre en guerre. Ils ont atteint la lucarne et basculé lentement pour baiser la haine du corps et du plaisir. Dans leurs veines, une idéologie mortifère à en vomir le lait maternel. La face du fondamentalisme devant une foule vivante et festive, ouverte et cosmopolite, une insulte au ventre de leur propre mère. Des jeunes gens sans fin, à l'œil mort, d'autres libres et désarmés, des jeunes gens soumis, asséchés et prédateurs, d'autres simplement au monde, des jeunes gens embrigadés, réduits à leur cause, d'autres visés pour ce qu'ils sont, folie du mal sans limite qui nous ravive les joues de son sang à en laisser couler notre âme. Force mutante sur un continent exposé aux quatre vents. Merci Jacques Bonafé pour ces extraits de textes poétiques.